SK sur le beat, te mets sur orbite, vas-y je te fais la visite. Moi la dynamite, je la mets dans ma marmite. Et tout ce que je débite a le même goût que ceux qui m'irritent. Sans code de bonne conduite, on vient pour casser le mythe. Armé du son qui te cloue comme une gastro-entérite. Le bonheur ça se mérite, c'est ce que disent nos élites. T'auras le choix entre l'eau bénite ou t'inscrire chez Creed. Ici on fait les 3-8, mais pas à la va-vite. Loin de la tenue du rappeur en kit qui nous discrédite. Yo, pas de délit de fuite car personne connaît la suite. Un seul but, un seul objectif, repousser les limites. Hey, parce qu'il paraît, y'a de la vérité qui blesse. J'arrive dans le rap avec pertes et tracas. Mon ambition, celle d'avoir désobéi. Prends mon son comme une marque de respect. Parce qu'il paraît, y'a de la vérité qui blesse.